بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. On continue la traduction de l'explication de لمعة الاعتقاد de l'imam ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah avec l'explication de Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Durant le cours dernier, on avait parlé des exemples qu'a donné l'auteur sur les choses invisibles dans lesquelles nous devons croire, à savoir le hadith de l'Isra et le Mi'raj, de l'ascension du voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est un fait réel dans lequel, ou auquel les musulmans doivent croire avec certitude. On avait aussi cité l'histoire entre l'ange de la mort et Moussa alayhi salam, l'ange de la mort qui était venu une première fois pour prendre l'âme de Moussa alayhi salam, qui l'a frappé en lui crevant un œil, puis lorsqu'il est revenu une seconde fois en exposant ce qu'Allah azawajal avait dit de dire, à savoir de passer sa main sur une vache, j'ai pas dit une vache, sur les poils d'un taureau, et que chaque poil qui sera touché par sa main correspondra à une année de vie supplémentaire. Et lorsque Moussa alayhi salam a dit à cet ange, à l'ange de la mort, puis que se passera-t-il avant, il a dit puis ce sera la mort, il a dit alors maintenant, oh Allah, il a donc accepté ceci car il a su que c'était l'ange de la mort, chose qu'il ne savait pas auparavant. Et parmi les choses invisibles également auxquelles les musulmans doivent croire, c'est les signes précurseurs de l'heure. Il y a des signes grands, il y a les signes intermédiaires et il y a les petits signes. Les signes qu'avait cité l'auteur, on s'est arrêté à Khuruj al-Dajjal. Et c'était le premier exemple que l'imam ibn Qudama rahimahullah a donné lorsqu'il dit mithlu Khuruj al-Dajjal. ثم قال الشيخ الفوزان حفظه الله سمي الدجال لأنه كذاب من الدجل وهو الكذب وسمي بالمسيح لأنه يمسح الأرض بسرعة يسير فيها بسرعة وقيل سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين أعور ويدعي أنه الله جل وعلا والله عز وجل ليس بأعور ومكتوب بين عينيه كافر ويقرأه كل أحد ويقرأه كل أحد. Le premier exemple parmi les signes précurseurs de l'heure qu'a donné l'imam ibn Qudama rahimahullah, c'est la sortie du faux messie. Il a été appelé Ad-Dajjal car c'est un menteur qui fait, c'est un mot qui est issu de Ad-Dajjal, qui est le mensonge en langue arabe. Il a été appelé le Messie car il parcourt la terre à grande vitesse et il essuie la terre, c'est-à-dire il la parcourt à grande vitesse. Et d'autres savants ont dit qu'il est appelé le Messie, al-Masih, li'annahu mamsuhu al-ayn, c'est-à-dire qu'il est appelé le Messie car il a un œil qui est effacé, c'est-à-dire qui est borné. Et il prétend qu'il est Allah, et Allah azawajal n'est pas awar, n'est pas borné, comme l'a dit le prophète sallam, inna rabbakum laysa bi'awar, et votre Seigneur n'est pas borné. Et il est écrit entre ses deux yeux mécréant, et c'est quelque chose que pourra lire toute personne. فهو دجال خبيث وهو مسيح الضلالة وينزل الله مسيح الهداية وهو عيسى بن مريم عليه السلام سمي بالمسيح لأنه يمسح على المريض فيشفى بإذن الله بمجرد ما يمسح على المريض يشفى بإذن الله. C'est donc le faux messie ou l'antéchrist c'est un menteur de la pire des races et c'est le messie de l'égarement. Et Allah Azza wa Jal fera descendre le messie de la guidée qui est Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, alayhi salam. Et Isa alayhi salam est appelé le Messie car il essuyait sur les malades et il guérissait par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le simple fait de passer sa main sur le malade, qu'il soit lépreux ou autre, cela engendrait sa guérison, et tout ceci par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. فالمسيح مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة يطلبه ويقتله بباب لد في فلسطين واللد بلدة في فلسطين فيقتله هناك ثم إنه عليه الصلاة والسلام يحكم بشريعة الإسلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم بالإسلام شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فيكون متبعا لرسول الله وحاكما بشريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et le Messie, à savoir le Messie de la guidée qui est Isa alayhi salam, tuera et exterminera le Messie de l'égarement. Il le recherchera, le combattra et le tuera dans un endroit appelé Babulud. Et Babulud est situé en Palestine. Lud, c'est une ville située en Palestine, et le faux Messie sera tué dans cette ville. Puis, Isa alayhi salam appliquera la loi de l'islam, la loi islamique, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il cassera les croix, il tuera les porcs, et il mettra en place la jizya, et il mettra en pratique et jugera par l'islam, la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il suivra donc l'islam, la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la mettra en pratique. ثم قال المؤلف وخروج يأجوج ومأجوج. Et la sortie de يأجوج et مأجوج, qui sont Gog et Magog. Donc c'est le deuxième exemple des signes précurseurs que l'imam al-Qudam rahimahullah a cité dans son livre Lum'atul I'tiqad. يقول الشيخ الفوزان يأجوج ومأجوج قبيلان من بني آدم قصتهم مذكورة في القرآن الكريم وذلك أن الملك العظيم المؤمن ذا القرنين مكنه الله عز وجل فسار في مشارق الأرض ومغاربها يدعو إلى الإسلام وإلى التوحيد ويجاهد في سبيل الله. Gog et Magog sont deux tribus qui font partie des fils d'Adam. Ce sont donc des êtres humains. Et leur histoire a été citée dans le livre saint d'Allah Azza wa Jal. Et ceci, à savoir que le grand roi, le croyant, Dhul-Qarnayn, Allah Azza wa Jal lui a accordé la force et la richesse. Et il a parcouru la terre de l'Orient à l'Occident en appelant à l'islam et en appelant à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et en combattant dans son sentier. فلما بلغ بين السدين وهما جبلان عظيمان وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا وهم يأجوج ومأجوج يهددون البشرية قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن نجعل بيننا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير. Et en parcourant cette terre d'est en ouest, il est arrivé entre deux montagnes immenses, et il a trouvé entre ces deux montagnes un peuple qui ne comprenait pas ce qui leur était dit. Et ce peuple ou ces peuples sont Gog et Magog, qui menaçaient l'humanité. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Kahf, ils dirent c'est-à-dire ceux qui se sentaient menacés par Gog et Magog, ils dirent « Ô Dhul-Qarnayn, Gog et Magog commettent le désordre sur terre. Peux-tu ou est-ce que nous pouvons t'accorder une récompense ou un tribut pour construire une barrière entre eux et nous ?» Ils ont proposé à Dhul-Qarnayn de construire une barrière entre eux et Gog et Magog, et qu'en retour, il le financerait et le paierait pour ses travaux. Et il a répondu, Rahimahullah, il dit, ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux. Ma makkanni fihi rabbi khayr, ce qu'Allah Azza wa Jalla m'a donné comme richesse et comme force est meilleur que ce que vous allez me donner. Autrement dit, je préfère dépenser pour Allah ce qu'il m'a accordé plutôt que de faire cet acte et d'avoir un retour d'avoir un retour financier de votre part. فرفض أن يأخذ منهم شيئا أخبر أنه عنده ما يكفي مما أعطاه الله ثم طلب منهم أن يحضروا له المواد والأشياء فقام وبنى هذا السد العظيم ساوى بين الصدفين أي بين الجبلين وجعله سدا عظيما أملس لا أحد يستطيع أن يحرقه ولا أحد يستطيع أن يظهره أي يرقي عليه فصار هذا السد من نعم الله على البشرية قال ذو القرنين هذا رحمة من ربي. Il a donc refusé de prendre une récompense ou un salaire de leur part, et il leur a informé que la richesse qu'il avait était amplement suffisante. Puis il leur a demandé de préparer les matériaux et les outils nécessaires à la construction de cette barrière. Il a alors construit cette barrière immense qui a comblé l'espace entre les deux montagnes. Et c'était une barrière immense qui ne pouvait ni être brûlée ni être escaladée. Et ceci, c'est-à-dire cette barrière et cet obstacle, est une miséricorde et un bienfait d'Allah Azza wa Jal envers l'humanité. Pour cela que Dhul-Qarnayn, lorsqu'il a terminé de construire cette barrière, il a dit « Hadha rahmatun min Rabbi » Ceci est une miséricorde de la part de mon Seigneur. « Lakin fi akhir al-zaman yaqumuna bi naqd hadha al-sadd » كما قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلو عليه وما استطاعوا له نقبا لكن في آخر الزمان يقدرهم الله عز وجل على نقضه فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. Mais vers la fin des temps, ils auront la possibilité de détruire cette barrière. Allah Azza wa Jal a dit en sourate Al-Kahf, ainsi, ils ne purent l'escalader, c'est-à-dire ce mur, ni le fissurer et le casser. وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. Mais, vers la fin des temps, Allah Azza wa Jal leur donnera ce pouvoir et cette capacité de pouvoir percer cette barrière, comme le dit Allah Azza wa Jal dans les versets 97, dans le verset 98 de Surat Al-Kahf. Mais lorsque la promesse de ton Seigneur viendra, Ja'alahu dakka, il le nivellera, et la promesse de ton Seigneur est vérité. Et la promesse d'Allah Azza wa Jal est vrai, Allah Azza wa Jal ne trahit jamais ses promesses, et vers la fin des temps, effectivement, cette barrière qui nous protège actuellement et qui protège l'humanité du mal de Gog et Magog va céder et ils se disperseront sur terre. فَيَخْرُجُونَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَيَحْصُرُ مِنْهُمُ الْفَسَادِ وَسَفْكَ الدِّمَاءِ والشرور ما لا يعلمه إلا الله مما جاء وصفه في الأحاديث والبشر لا يستطيعون مقاومتهم. Ils sortiront alors sur terre, se propageront et ils commettront discorde, turpitude, écoulement de sang et des maux immenses et des catastrophes énormes que seul Allah Azza wa Jal connaît l'importance et la portée. Et ceci, ou certaines de ces discordes ont été rapportées dans certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les êtres humains ne pourront répondre à ces attaques. Les êtres humains ne sauront combattre et faire face à Gog et Magog, car ils seront beaucoup trop puissants. ثم إن الله عز وجل يبعث مرضا يصيبهم في أعناقهم وهو النغف مثل الدود في أعناقهم فيموتون جميعا ويستريح المسلمون منهم وتأكل دواب الأرض من أجسامهم حتى تسمن وتشكر فهذه آيات عظام وعلامات كبار من علامة الساعة. Puis Allah عز وجل leur enverra une maladie qui les touchera dans leur nuque. Il leur enverra une sorte d'insecte ou de germe qui entrera dans leur nuque et causera la maladie qui les fera mourir tous. Et les musulmans seront ainsi débarrassés d'eux. Et les animaux ou les bêtes féroces mangeront leur corps et grossiront après les avoir consommés. Et ceux-ci font partie des grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et des signes précurseurs de l'heure. ثم قال المؤلف وخروج الدابة. Le troisième signe précurseur de l'heure qu'a cité l'imam ibn Qudam rahimahullah, c'est la sortie de la bête. يقول الشيخ الفوزان الدابة التي تخرج من الأرض قال تعالى أخرجنا لهم دابة من الأرض. الله أعلم بصفتها ورد فيها أحاديث وأخبار لكن الله أعلم بها وهي دابة تخرج من الأرض كما قال الله تعالى أما كيفية خروجها ومن أين تخرج وموضع خروجها فالله أعلم بذلك. Cette bête qui sortira de terre. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat An-Naml, le verset 82, Surat Al-Furmi, et nous sortirons pour eux une bête de la terre. Et Cheikh Fawzan, Hafidahullah, dit Allah Azza wa Jal est le plus savant sur la description de cette bête. Il y a certains hadiths et certaines informations rapportées décrivant celle-ci, mais Allah Azza wa Jal est le plus connaisseur. Et ce que nous savons, c'est que cette bête sortira de terre, comme l'a dit Allah Azza wa Jal. Comment sortira-t-elle? D'où sortira-t-elle? À quel endroit exactement elle sortira de terre? Allahu A'lam. Allah est le plus savant sur cela. Effectivement, dans le Khuruj al-Dabba, la sortie de la bête, il y a très peu de textes qui donnent des informations ou des détails concernant cette bête. وطلوع الشمس من مغربها et le fait que le soleil se lève de l'Orient ou de l'Occident من مغربها ثاني الشمس تطلع من المشرق وتغيب في المغرب هذه سنة الله الكونية في الشمس. Le soleil se lève donc à l'Orient et se couche en Occident. Ou autrement dit, il se lève à l'Est et il se couche à l'Ouest. Ceci fait partie de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala universelle concernant le soleil. Et وأنها تدور حول الأرض شرقا وغربا دائما وباستمرار لا كما يقوله الملاحدة أن الأرض هي التي تدور حول الشمس وأن الشمس ثابتة فهذا من انتكاس الفطر والعقول بل العكس الأرض هي الثابتة والشمس والأفلاك تدور حول الأرض. Puis Cheikh Fawzan, Hafidhahullah, dit « Et ce soleil tourne autour de la terre d'est en ouest, et ceci de façon continuelle, et non comme le disent les athées, à savoir que la terre, c'est elle qui tourne autour du soleil, et que le soleil est fixe. Ceci est une inversion des pensées, et de la façon innée, mais le contraire, mais c'est plutôt le contraire, à savoir que c'est la terre qui est fixe et que c'est le soleil ainsi que les astres qui tournent autour de la terre. Et beaucoup de savants sont de cet avis, comme Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, Cheikh Al-Uthaymin également, rahimahullah, et ils utilisent ou ils donnent comme preuve des versets du Coran ainsi que des hadiths du prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشمس تجري لمستقر لها كما الله عز وجل dit والشمس تجري لمستقر لها que le soleil avance selon une trajectoire qui lui a été fixée, à savoir que c'est le soleil qui bouge, et les savants disent que ceci est une réalité que nous a informé le Coran et dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour interpréter le verset, il faut des preuves qui ne fassent l'ombre d'aucun doute, et il ne porte pas d'importance à ce qui est dit, à savoir que la terre tourne autour du soleil, mais il reste fixé et il s'accroche au verset et au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les hadiths qu'ils utilisent, c'est que le hadith de Bouzar radiallahu anhu, apporté dans le Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Bouzar, sais-tu pourquoi le soleil, lorsque le soleil se couche à l'ouest, sais-tu ce qui se passe après? Il a dit « Allah wa Rasuluhu a'lam ». Et le professeur Hassan lui a dit « Lorsque le soleil se couche à l'ouest, il va se prosterner sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala et demande la permission de se lever à l'est. Et il viendra un moment où le soleil se prosternera devant ou en dessous du trône, et sa prosternation ne sera pas acceptée, et l'autorisation de se lever à l'est ne lui sera pas donnée, et il lui sera dit, retourne de là où tu es venu, c'est-à-dire de l'ouest. Et c'est là où le soleil se lèvera, à l'ouest. Et les savants disent que dans ce hadith, c'est le soleil qui bouge, et c'est le soleil qui se déplace. Donc cela est une réalité coranique, et c'est une réalité également attestée par le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. C'est un sujet que je n'ai pas étudié dans la précision, mais inchallah je vais essayer de faire une petite recherche pour savoir exactement quelles sont les réponses des savants concernant les réalités astronomiques qui sont avérées à notre époque, à savoir que la Terre tourne autour d'elle-même et qu'elle tourne autour du soleil. كما أخبر الله وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكما هو مشاهد وكما هو المشاهد المحسوس فهي تطلع من المشرق وتغيب في المغرب كما قال إبراهيم للنمرود إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب لما ادعى أنه يحيي ويميت وأنه رب قال له هذه المعجزة العظيمة التي باهتته إن الله يأتي بالشمس من المشرق إن كنت كما تزعم أنك رب ائت بها من المغرب اعكس ما أراده الله فبهت الذي كفر لأنه لا يستطيع هذا ولا يقدر على هذا إلا الرب سبحانه وتعالى. Et Cheikh Fawzan dit, et comme l'on a informé Allah, ainsi que l'on a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme cela est constaté, à savoir que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, comme l'a dit Ibrahim alayhi salam à An-Namrud, qui prétendait qu'il était Allah. Et il y a eu un dialogue entre les deux, entre Ibrahim alayhi salam ainsi que Namrud, qui prétendait qu'il faisait qu'il avait le pouvoir de donner la vie et de donner la mort. Puis Ibrahim alayhi salam lui a dit: fa inna Allah ya'ti bish-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib. Allah fait venir ou fait lever le soleil de l'est, fais-le venir de l'ouest. Lorsque il a prétendu de donner la vie et la mort, et qu'il était le Seigneur, et qu'il était un Dieu, Ibrahim alayhi salam lui a exposé, ou lui a demandé d'apporter, ou de faire ce miracle qui, en fin de compte, l'a fait taire, et l'a fait taire dans sa mécréance et dans son mensonge, à savoir qu'il était incapable de faire venir le soleil, c'est-à-dire de le faire lever à l'ouest et non à l'est, et que ceci est une particularité, et Allah Azza wa Jalla est le seul qui en est capable. فسنه الله في الشمس انها تاتي من المشرق وتغرب في المغرب وتغيب في المغرب يعني تدور على الارض واذا كانت في جانب في جانب أضاءته وصار نهارا وإذا غابت عن ذلك الجانب صار ليلا إلى أن تدور مرة ثانية وهكذا يتعاقب الليل والنهار بناء على دوران الشمس على الأرض قدرة الله سبحانه وتعالى. C'est la volonté d'Allah عز وجل, à savoir que le soleil se lève à l'est et qu'il se couche à l'ouest. C'est-à-dire que le soleil tourne autour de la terre. Lorsqu'il est, c'est-à-dire le soleil d'un côté, il illumine la terre et donc il fait jour. Et lorsqu'il est de l'autre côté, il ne l'illumine pas. Et cela est l'explication de la nuit. Et ainsi, Allah Azza wa Jalla fait suivre le jour et la nuit en fonction du mouvement du soleil autour de la terre. Et ceci fait partie de la force et de la possibilité d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا اخْتَلَّ نِظَامُ هَذَا الْكَوْنُ وَأَرَادَ اللَّهُ خَرَابَ هَذِهِ الدُّنْيَا إِنْعَكَسَ سَيْرَ الشَّمْسِ فَصَارَ تَخْرُجُ مِنَ الْمَغْرِبِ فَإِذَا طَلَعَتْ مِنَ الْمَغْرِبِ فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى قُرْبِ قِيَامِ السَّاعَةِ وَعَلَى خَرَابِ هَذَا النِّظَامِ الْكَوْنِي وَقِيَامِ السَّاعَةِ وَانْتِهَاءِ الدُّنْيَا وَحُلُولِ الدَّارِ الْآخِرَةِ. Et lorsque ce système ou cette organisation ne sera plus présente, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait le jour et la nuit, que le soleil se lève à l'est et qu'il se couche à l'ouest, et lorsqu'Allah Azza wa Jal voudra détruire cette terre, alors il fera changer cette organisation et fera sortir et fera lever le soleil de l'ouest et non de l'est. Et ceci sera une preuve imminente de l'arrivée de l'heure et que la vie de l'au-delà va bientôt commencer. وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ مِمَّا صَحَّ بِهِ النَّقْلِ. Et l'imam ibn Qudamah rahimahullah a dit: وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ مِمَّا صَحَّ بِهِ النَّقْلِ. Et toutes les choses similaires qui ont été rapportées de façon authentique, c'est-à-dire tous les autres signes. Donc ici, Al-Imam ibn Qudama n'a pas cité les signes les uns après les autres, mais il en a cité quelques-uns à titre d'exemple, et il dit: et tout ce qui est rapporté de façon similaire et de façon authentique. قال الشيخ الفوزان: وأشباه هذه الأخبار التي ذكرها المصنف نماذج من أشراط الساعة مما صح به النقل. هذا شرط لا بد منه. هذه الأمور الغيبية لا تثبت إلا بدليل صحيح. أما الدليل الضعيف والدليل الذي لا يبلغ درجة الصحة فهذا لا يعتمد عليه في عقيدة المسلم، وإنما يعتمد على الأدلة الصحيحة، وسواء كانت متواترة أو أحادا، هذا اعتقاد أهل السنة أنهم لا يفرقون بين المتواترة والأحاد، والمدار على الصحة فقط، فإذا صح الحديث فإنه يجب اعتقاده ما دل عليه من غير شك ولا ريب، لأنه كلام لا من لا ينطق عن الهوى، وقد صح سنده فلم يبقى عذر لترك الإيمان به. Donc toutes les autres informations similaires qui ont été rapportées de façon authentique, et ceci est une condition, à savoir que dans la croyance, nous devons prendre que ce qui est authentique et de ne pas prêter attention à ce qui est faible. Et l'authentique, qu'il soit mutawatir ou ahad, car on a vu à plusieurs reprises que le hadith, il se divise en mutawatir ou ahad de façon générale, et ou bien il se divise en sahih wa hasan wa da'if. Et le mutawatir, c'est le niveau, le degré d'authenticité le plus haut, et certaines sectes posent comme condition pour accepter un hadith qui est en rapport avec la croyance que ce hadith soit mutawatir, c'est-à-dire même s'il est authentique mais qu'il n'a pas atteint le plus haut degré d'authenticité, ils ne le prennent pas en compte, et ceci est un égarement profond, et c'est un égarement clair qu'ont condamné les savants de l'islam, et parmi eux Cheikh Al-Albani rahimahullah, dans une risale qu'il a écrit Al-Hadithu Hujjatun bi nafsihi fil aqaidi wal ahkam, que le hadith authentique est une preuve en lui-même, et ceci que ce soit dans la croyance ou dans les jugements, que ce soit dans la croyance ou dans les jugements, à partir du moment où il est authentique, même s'il n'a pas atteint l'authenticité ou le degré le plus haut, à savoir at-tawatur, qu'il doit être pris en compte, car c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la parole de celui qui ne parle pas par passion, mais qui parle par révélation et qui transmet le message de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a aucune excuse à celui qui ne croit pas à un hadith authentique. Il n'y a aucune excuse à celui qui ne prend pas en compte une croyance présente et révélée ou informée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir du moment où la chaîne de transmission est authentique. On actafi bihada al-qadr, wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.